Nous emporte. Travail d'équipe, c'est ainsi que ça fonctionne. Quand le temps s'arrête, que toutes les âmes fusionnent. Célébrer la vie ensemble, on peut être fier. Dans son cœur, nous sommes libres, je vends les points en l'air. Bien sûr, le dance floor est à ta télévision. Quand le public est chaud, ça me donne des frissons. En train d'écouter calé, un petit son de Marley. Oui, y'en a marre des gens qui vont bader. Il n'y a pas de gradé, crois-moi ça reste gravé. Tous ces moments magiques de fou rire et de rencontre. Tellement d'anecdotes, d'instants uniques que je me rends compte. À quel point j'ai besoin de toute cette folie. Tous les coups durs deviennent mélancolie. Mêlant mélodie, flow, parole. Tout ce qui est pas drôle existe différemment. Quand le son te donne la force de tout voir autrement. Qu'on ne me parle plus de distance sociale. La solitude tue, on a besoin de danse joviale. Seul on referme nos cœurs, que la musique achève les peurs. Que le mystique sèche nos pleurs, enfin de nouveau réunis. Les oiseaux ressortent la nuit, trop de festivals, de fêtes, de balles. Il y en a pour tout âge, le partage nous sort des cas. Célébrer la vie ensemble, on peut être fiers. Dans son cœur, nous sommes libres.